Au sport, le 16 décembre, dans la Ligue de basketball Benjamin masculin division 3, Louis Saint-Laurent visite École l'Odyssée à 18h. Le 17 décembre, dans la Ligue de hockey sans contact juvénile, Louis Saint-Laurent reçoit Collège Claretin à l'Aréna Robert-Fournier dès 16h.